mains et des doigts. Mais je suis français, alors que c'est vrai. Tu es un gentil petit chinois. Toi, tu bois du thé, manges du riz. N'aime que les raviolis. Il est italien et on le sait bien. Tu es un gentil petit chinois. Les beaux pyjamas de ton pays.